Entraînement au DELF A2, compréhension de l'oral, les clés pour comprendre un extrait de radio. Un intervenant. Exemple. Le 1er octobre, la mairie de Paris vous propose une nouvelle édition de La Nuit Blanche. Cette année encore, une cinquantaine de structures, musées, centres culturels, galeries et lieux alternatifs, apportent leur énergie à la manifestation. Toute la nuit, vous pourrez trouver des concerts, des expositions, des animations de rue et bien d'autres événements encore. Toutes les installations des parcours officiels sont ouvertes de 19h à 7h du matin dans la nuit du 1er au 2 octobre. Et cette année, ce n'est pas seulement à Paris, mais aussi à Rome, Bruxelles et Montréal. Alors, curieux de tous les pays, venez nombreux!